La synergie des médias au Burundi. Urunani kwa maradio mu Burundi. Bonsoir à tous et merci de rester fidèles à cette synergie des médias. Nous parlons de la problématique de la sécurité sociale pour les retraités du public et du privé, avec un accent particulier sur le retard de la mise en application du décret instituant la pension de retraite comme l'équivalent du dernier salaire perçu par le fonctionnaire. Vous entendrez les concernés, des analyses des syndicalistes et employeurs, des spécialistes en sécurité sociale et puis le président de la République rassure que malgré tout, sa déclaration devra être mise en œuvre. Ce journal en synergie vous a été préparé par les radios Radio Sanganiro, Bonisha FM, Rema FM et Isere FM. La réalisation est assurée par Raymond Zimana. La mise en onde est assurée par Eric Nouimana. Et pour vous le présenter, vous êtes avec Alain Désiré Boukeneza et Hussein Nahombaye. Voilà pour le sommaire. La synergie des médias au Burundi. Les retraités doivent mener une bonne vie. Dans son discours à la nation, c'était au début de son pouvoir. Évariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi, a annoncé que désormais, les retraités toucheront une pension équivalente au dernier salaire perçu avant de prendre la retraite. Il est repris ici en français par Aimé Richard Niyonkuru. Nous allons rénover les institutions de sécurité sociale pour que ceux qui vont à la retraite puissent espérer un leur meilleur avenir. D'ailleurs, pour la première phase, je voudrais annoncer aux retraités que dorénavant, ils vont bénéficier de la gratuité des soins, mais également leur pension sera calculée de telle manière qu'elle sera égale au dernier salaire net du mois précédent celui de sa mise à la retraite. Nous allons protéger et défendre les droits des employés en général et surtout les agents du secteur public, que ce soit en interne ou en externe, car nous avons trouvé que c'est un secteur des citoyens dont la sécurité sociale n'est pas protégée. Des retraités de la fonction publique en province de Rumonge, nous sommes sud du pays, déplorent leurs conditions de vie alors qu'ils entendent la mise en application de la promesse du président de la République. Ils ne sont pas actuellement assistés, ils demandent d'être régularisés. Les détails, c'est avec Likios Ngurziza. Les retraités de la fonction publique depuis l'an 2020 dans la ville d'Ormongue indiquent qu'ils vivent dans une situation précaire car ils ne reçoivent les pensions de la retraite. Les autres disent qu'ils n'ont pas été avertis avant leur mise en retraite. Nous vivons une situation misérable parce que jusqu'à maintenant, on n'a pas honoré les engagements. On nous a promis qu'on va nous faire quelque chose à la fin de notre carrière, mais jusqu'à maintenant, rien n'a été fait. Je passe 4 mois sans avoir le salaire en soi. Nous n'avons pas encore eu. Nous attendons et impatiemment. C'est pourquoi nous avons faim. Ce que le président nous a promis, on n'a pas donné. On a dit qu'on est en train de traiter. Ces retraités de la fonction publique de la ville d'Ormongue demandent au ministère de la fonction publique de mettre en application la promesse de son excellence, le président de la République du Burundi, disant que les retraités de la fonction publique recevront leurs frais de pension égaux à leur dernier salaire avant d'entrer à la pension. Nous demandons à ce que l'État et ceux qui ont le droit, faut qu'ils pensent à nous et nous donner le salaire des retraités. Qu'on réalise notre situation, très déplorable. Quelqu'un qui a travaillé pendant ici temps, mais qui, pour le moment, on dirait qu'il n'a rien foutu. En rapport avec la prise en charge des fonctionnaires retraités, qu'ils auront les frais de pension égaux à leur dernier salaire, le président de la République du Burundi l'a dit le 18 juin 2020 lors de son investiture. En province de Rumonge, Likio Sengurunziza pour la synergie des médias. Certains retraités du secteur privé font savoir qu'ils ne sont plus capables de faire vivre leur famille ou de se faire soigner à cause de maigres pensions de retraite comparées à la vie devenue chère. Ils déplorent aussi des différences se trouvant entre les retraités du secteur public et ceux du privé en matière de soins et demandent que la promesse du président de la République soit tenue. Un reportage d'Ovenant Niomongere. Ces retraités du secteur privé se lamentent qu'ils sont pour le moment incapables de faire vivre leur famille suite à la hausse des prix des produits sur le marché, alors que le salaire à la retraite est minime, voire insignifiant. Nous menons une vie précaire. Même si le salaire perçu étant encore en fonction était minime, aujourd'hui à la retraite, c'est le pire. Nous percevons un salaire inférieur à la moitié qu'on percevait. Imaginez alors ce salaire avec des prix des produits qui grimpent de jour au jour sur le marché. Le déplacement est devenu aussi cher. C'est vraiment difficile de faire vivre nos familles. Ça fait 4 ans, on nous avait promis que celui qui va à la retraite à partir de 2022 va percevoir une pension égale au dernier salaire. Nous avons attendu sans succès. Ils ajoutent qu'ils ne trouvent pas facilement comment se faire soigner avec les cartes d'assurance. Ils dénoncent toutefois des différences entre ces derniers et les retraités de la fonction publique en matière de soins. Les retraités de la fonction publique sont payés 100% pour les soins, mais nous, on paye 80%. Les retraités du secteur privé, nous n'arrivons pas à comprendre cette situation alors que nous cotisions comme les autres. Certains médicaments ne sont pas facilement trouvables avec nos cartes d'assurance. Quand on se rend à la mutuelle de la fonction publique à la recherche des médicaments, on te dit que ce médicament n'est pas disponible et que c'est une spécialité. Tout cela nous fait perdre espoir. Ils demandent que les promesses soient tenues pour qu'ils continuent à faire vivre leur famille. Nous demandons la mise en application de la promesse du président de la République lors de son investiture. Nous attendons toujours la mise en application de la promesse du président de la République où il avait promis que les retraités vont percevoir une pension égale au salaire du dernier mois. C'est au moment où certaines sociétés d'assurance font savoir qu'ils observent des employeurs qui ne cotisent pas pour leurs employés, ce qui aggrave la situation en cas de retraite. Certains des fonctionnaires de l'État qui prennent bientôt leur retraite disent avoir bien accueilli le décret du chef de l'État instituant leur pension de retraite équivalente à leur dernier salaire. Ces derniers s'indignent du fait que ce décret présidentiel n'est pas encore mis en application et demandent donc aux autorités habilitées d'honorer l'engagement du chef de l'État et au président de la République de les rappeler à l'ordre. Évariste Nzikomanyanga. Ces fonctionnaires de l'État qui approchent l'entrée à la retraite indiquent avoir apprécié positivement le décret présidentiel portant équivalence de la pension en dernier salaire du retraité. Mais ils déplorent le fait que ce décret n'est pas encore mis en application, ceci ayant des répercussions négatives sur la vie de ces retraités, selon Pascal Kankana, professeur d'université et futur candidat à la retraite. Les conséquences à cela, c'est que on croyait que les retraités vont être soulagés, que les moyens, même si le salaire du fonctionnaire maintenant, je dirais, n'est pas élevé, mais quand même avec une pension de retraite équivalent à son dernier traitement, c'était un soulagement. Ils ne savent pas où aller parce que les dispositions ou les lois qui existaient ont été abrogées par ce décret et ils attendent à ce qu'il y ait un autre texte. Ces fonctionnaires qui sont à la porte d'entrée à la retraite déplorent cette lenteur dans la mise en application de ce décret alors qu'ils le devraient. Depuis le jour de sa signature, il ne passe pas par quatre chemins pour interpeller les autorités habilitées. Le professeur d'université Bonaventure Nyoyangana est aussi futur candidat à la retraite. Le président de la République ne peut pas être partout. Il instruit les gens de faire un travail. Il faut que ces gens exécutent. S'ils ne savent pas comment le faire, qu'ils demandent des recyclages ou des formations. Et s'ils sont incapables, s'ils sont incompétents, il faut que la décision soit prise pour en fait les remplacer. C'est très simple. Le décret présidentiel instituant le salaire en remplacement de la pension pour les retraités de depuis 2020 a été signé par le chef de l'État, Évariste Ndayishimiye, le 14 mars en 2022. urunani rw'amaradio mu Burundi. Énergie des médias au Burundi. À 18h39 minutes au studio de la radio Isanganiro en synergie avec d'autres radios. Le journal continue. L'association des retraités du Burundi affirme qu'actuellement, les retraités mènent une vie précaire. Ambassadeur Julien Kavakure, vice-président de la dite association, déplore le deux poids, deux mesures qui se remarque et demande d'être rétabli dans leurs droits. Suivez. Dès lors que, en son essence, le père de la nation a déclaré le jour de son investiture à la magistrature suprême et que, a déclaré la volonté politique et l'engagement indéfectible du gouvernement d'améliorer les conditions de vie précaires des retraites. C'est qu'il partait des faits dont sont des conditions très difficiles. Je vous dis, pour ne pas épiloguer là-dessus, moi personnellement, vous avez vu les fonctions que j'ai occupées. À cet moment, pendant demi dizaine d'années, j'ai touché le même montant qu'un membre du gouvernement. Depuis que je suis enregistré à l'ONPR, je ne voudrais pas être vraiment long là-dessus. Nous vivons des conditions très difficiles. Même nous ne sommes pas des retraités de là. Selon les informations que nous avons eues au mois d'avril, si je ne m'abuse pas, à l'époque, nous avions autour de 3500 retraités enregistrés au niveau de l'ONPR. Et un effectif oscillant autour de 11 000 des pensionnés enregistrés au niveau de l'INSS. Tout ce que nous demandons, c'est la mise en application, le respect strict et respectueux de la mise en application de la parole donnée de son excellence, le père de la nation. Donc que tous les retraités soient traités de la même manière. L'Institut national de sécurité sociale, l'INSS, a enregistré des arriérés de cotisations qui se chiffrent à plus de 7 milliards de nos francs au 31 décembre 2021, ce qui participe à l'instabilité financière de l'INSS selon les cadres de cet institut qui regrettent que le secteur de la protection sociale est presque méconnu au Burundi. Le point avec Christine Kamikazi. Selon les données recueillies auprès de l'INSS, le secteur de la protection sociale est presque méconnu au Burundi. Au niveau national, les statistiques montrent que sur 14 373 employeurs recensés au niveau national jusqu'à la fin de l'année 2022, seulement 1368 employeurs sont affiliés à l'INSS, soit 9,5%. Ce moment où, selon les mêmes informations, en principe, toute société qui vient d'être créé devrait se faire inscrire à l'INSS en 8 jours. C'est donc même pour les emplois créés. L'employeur doit commencer à verser les primes de ses employés 8 jours après la création de la société. Selon toujours les données recueillies auprès de l'INSS, la répartition des cotisations déclarées par secteur révèle que les cotisations du secteur privé sont inférieures à celles du secteur public car ce dernier comprend aussi les cotisations du secteur parapublic. Les statistiques de l'INSS prouvent également qu'en ce qui concerne les recouvrements des cotisations, un effort particulier devrait être fourni pour recouvrer les arriérés de cotisations qui se chiffrent à plus de 7 milliards de flambeaux au 31 décembre 2021. Des cadres de l'INSS tiennent à préciser que toute créance non recouvrée constitue un manque à gagner qui contribue à l'instabilité financière du régime. Par ailleurs, le défi majeur auquel l'INSS est confronté aujourd'hui est la menace de son équilibre financier. Selon les mêmes sources, cela est dû essentiellement par une montée du volume des prestations en pension sans pour autant que les ressources financières suivent. Cela est ainsi alors que, selon les données recueillies auprès des cadres de l'INSS, le total des cotisations déclarées et les retards recouvrés étaient de plus de 48 milliards 347 millions en 2021, au moment où, en 2020, elles étaient plus de 45 milliards 171 millions. C'est au moment où les charges en pension étaient de 48 milliards 942 millions de francs-bourg en 2021. Des cadres de l'INSS contactés indiquent que les revenus de l'INSS proviennent des cotisations des affiliés, des actions qu'elle dispose dans certaines banques et certaines entreprises. Ces revenus proviennent également des immobiliers appartenant à l'INSS. Christine Kamikazi, nous continuons avec les analyses. La Confédération des syndicats du Burundi, COSIBU, estime que les maigres salaires des employés et les employeurs qui ne font pas affilier leurs employés à la sécurité sociale constituent des principaux défis liés à la sécurité sociale au Burundi. Mélance Hakizimana, vice-président de la dite confédération, trouve que la majoration des salaires des employés peut contribuer à la promotion de la sécurité sociale au Burundi. Premièrement, je dirais que les salaires du personnel sont très minimes. De sorte que si le salaire est très minime, c'est-à-dire que la population salariée n'a pas le pouvoir d'achat pour pouvoir bien vivre, pour pouvoir aussi prévenir l'avenir. Deuxièmement, à base même de ce salaire minime, il y aura des conséquences. Le jour où il va arriver à la retraite, il aura une pension très maigre, une pension qui ne lui permettra de bien vivre, de pouvoir bien s'alimenter, de pouvoir bien se soigner, de pouvoir bien s'habiller. Et non plus, il n'aura pas de possibilité de pouvoir payer les frais scolaires s'il a encore des enfants à scolariser. Si nous prenons uniquement les salariés. Je dirais que selon le constat que nous avons fait au niveau de l'INSS, un grand nombre d'entreprises ne déclarent pas les affiliés à l'INSS. Ça veut dire que un grand nombre d'employés ne cotisent pas à l'INSS. Et pour cela, quand il va arriver à la retraite, il n'aura aucune assistance en matière de pension de retraite. C'est-à-dire que la COSIBU ne peut pas être satisfaite par rapport à cette situation qui devrait par contre être relevée parce que la protection sociale, c'est un droit pour tout citoyen. Il ne devrait pas y avoir de familiarité ou de trafic d'influence pour pouvoir cotiser pour un tel employé ou un tel autre employé. Donc, pour tout employé, l'employeur a l'obligation de cotiser pour son employé. Le gouvernement devrait tout faire pour d'abord rehausser les salaires des fonctionnaires. Parce qu'avoir les salaires des fonctionnaires aujourd'hui, il y en a même qui disent que qui ne sont pas salariés, qui sont plutôt des volontaires. Parce que le salaire du fonctionnaire aujourd'hui ne leur permet pas de joindre les deux bouts du mois. Donc, le gouvernement devrait rehausser le salaire, c'est-à-dire le pouvoir d'achat de tout citoyen, pour qu'en fait, il puisse cotiser pour son avenir. Le déplafonnement des cotisations aux institutions de sécurité sociale, c'est la principale voie proposée par un professeur d'université expert en droit de la sécurité sociale en vue de bien assister les retraités. Docteur Frédéric Nimaroussa fait savoir que seul le Burundi n'a pas encore haussé ses cotisations fixées aujourd'hui à 450 000 francs bourg. Suivez-les. Cette loi a été promulguée, il ne reste qu'à la mettre en application, il revient alors au ministère en charge de la solidarité nationale, à travers évidemment l'Institut national de sécurité sociale et l'Office national des pensions et des risques professionnels pour les fonctionnaires, les magistrats et les agents de l'ordre judiciaire. Et il faut qu'ils se mettent à l'œuvre pour concrétiser la volonté du chef de l'État. Évidemment, ça va demander des sacrifices. Ça va demander des efforts de tout le monde et en priorité du gouvernement. Et nous espérons que le ministère des Finances, en collaboration avec le ministère de la Solidarité nationale, ils pourront mettre en œuvre la volonté du chef de l'État très, très rapidement. Cette opinion qui milite en faveur de l'augmentation du plafond des cotisations, qu'en dites-vous? Moi, je suis parmi ceux qui plaident pour le déplafonnement de l'assiette des cotisations. Pour la petite anecdote, c'est moi-même qui ai fixé le plafond à 450 000. Je traduisais une décision qui avait été prise par le conseil d'administration en 2010. La loi dit bien que le plafond doit être réajusté tous les 3 ou 5 ans en fonction du niveau des salaires. Maintenant, nous déplorons que nous sommes en 2023. C'est plus de 13 ans que ce plafond n'a pas bougé. Je pense qu'il est temps que les représentants des travailleurs ensemble avec les représentants des employeurs, s'associe aux représentants du gouvernement pour déplafonner les contributions aux institutions de sécurité sociale. C'est la meilleure des voies qui va nous conduire à des pensions qui permettent aux retraités de vivre décemment et qui vont traduire la volonté du chef de l'État de garantir une vie honorable aux gens qui ont passé de bons et loyaux services à ce pays. Et si vous regardez dans la sous-région, j'ai eu la chance de travailler dans la sous-région comme secrétaire général de l'East and Central Africa Social Security Association. Au Burundi, c'est le seul pays qui reste à appliquer les plafonds de cotisation, alors que tous les autres pays ont déjà abandonné cette formule. Docteur Frédéric Nimaroubusa au micro de Mireille Kanyange. Et pour boucler cette édition, le président de la République du Burundi dénonce le retard des services chargés de mettre en œuvre la mesure portant octroi aux retraités d'une pension équivalente au dernier salaire perçu. Il a soulevé en province Muyinga jeudi dernier. Le Burundi célébrait la journée mondiale des enseignants. Évariste Ndayishimiye trouve que sa déclaration doit nécessairement être traduite dans les actes. Il est de même pour le dégel des annales en faveur des fonctionnaires de l'État régis par les statuts spéciaux. Suivez plutôt le président de la République traduit en français par Jean de Dieu Irakoze. Sachez que malgré le retard des calculs, les annales devront être comptées à partir du mois de juillet. Le calcul devra être rétroactif. Personne n'est revenu sur vos droits. Laissez les services terminer leur travail. Il en est de même pour les retraités. En outre, la paresse caractérise certains services. Certains cadres de bureau sont des paresseux. Quand tu leur ordonnes de faire un travail, cela peut passer toute une année. Je suis obligé quelquefois de me dépêcher dans certains services. Je demande souvent aux gens de me donner le rapport par téléphone, sur WhatsApp et dans ce cas, ils se réveillent. Le travail de calcul des salaires n'est pas chose facile, mais je vous tranquillise que la mesure doit être mise en œuvre. Voilà, c'était le chef de l'État burundais Evariste Ndayishimiye, traduit en français par un de nos confrères. Et c'est par ici, chers auditeurs, que s'achève cette édition spéciale en synergie. Elle portait sur la problématique de la sécurité sociale pour les retraités du public et du privé. L'on insistait sur le retard de la mise en application du décret instituant la pension de retraite comme l'équivalent du dernier salaire perçu par le fonctionnaire. Ce journal en synergie vous avait été préparé par les radios, Radio Isanganiro, Isere FM, Bonesha FM, RMA FM. La réalisation était assurée par Raymond Zimana, la mise en onde était assurée par Eric Ouimana et à la présentation vous étiez avec Hussein Nahumbaye et Alain Désiré Bukeneza. Merci de nous avoir suivis. Synergie des médias au Burundi.